Vous vivez vie tranquille grâce à vos économies. Moi où, Jean-Jacques? Pas de bonheur, c'est la vie de famille. Les barbecues entre amis. C'est pas ta tonalité espèce. Vous restez dans votre maison. Il m'écoute pas, hein. Je suis sorti de temps en temps. Oh, au Pizza Hut pour le réveillon. Tu vas saigner. Vos enfants en sont très contents. Et voilà, t'es par terre. Voilà, c'est fini. Une chanson bonus vous attend en plage 14.